c'est mon ami Mitterrand qui disait que 5 partis pour la France, c'est suffisant. Et moi, j'ai dit 4 partis pour le Sénégal, c'est suffisant. Et tous les 4 courants sont représentés. Il y a le Parti africain de l'indépendance qui s'inspire du marxisme-léninisme. Il y a le Parti socialiste du Sénégal qui est mon parti. Il y a le Parti démocratique sénégalais. Vous pouvez interviewer son secrétaire général, M. Watt, professeur d'économie politique. Et il y a le Parti conservateur, car il y a des conservateurs au Sénégal. Et je pense que c'est suffisant. Un regard sur les mois et les difficiles années qui vont suivre le départ de Léopold Sédar Senghor, avec en juillet 1988, au Club de la presse de RFI, le témoignage de son successeur, le président de la République, Abdou Diouf.